Bonjour à tous. Bienvenue dans notre maison de quartier pour assister à notre table ronde sur la relation qu'entretiennent les jeunes avec les marques de vêtements. Je remercie Manu, Cynthia, Clément et Bruno d'avoir accepté de participer. Après le débat, nous organiserons un échange avec le public. Beaucoup de parents sont là et je crois qu'ils voudront intervenir. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole aux jeunes. Qui commence ? Salut à tous ! Moi, c'est Manu et je suis plutôt contre les marques. Pourquoi ? Je vous explique. Parce que c'est très cher. Et comme c'est cher, tout le monde ne peut pas les acheter. Alors ça crée des différences entre les gens... Je voudrais intervenir. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Moi, c'est le contraire. Sans hésiter, je suis pour, totalement pour. Je dis oui aux marques. Je crois qu'elles nous donnent un style. Et puis, la marque, ça représente toujours la qualité. Par exemple, les pulls que j'ai achetés, quand je les ai lavés, ils n'ont jamais rétréci ou changé de couleur. Ce n'est pas la même chose avec les autres. Salut, moi c'est Clément. Ça, c'est discutable. Les sans marques aussi, ils peuvent durer. Mes jeans, je les ai trouvés à la halle aux vêtements, ils sont impeccables. Faut juste les laver comme c'est écrit sur l'étiquette. Et ils ne coûtent pas cher. Clément a raison. L'important, c'est d'acheter des choses qui nous plaisent. Moi, je n'ai pas besoin d'une jupe, d'une robe ou d'un t-shirt de marque pour mettre en valeur ma taille, mes jambes ou ma poitrine. L'essentiel, pour moi, c'est de me sentir bien dans ma peau et de m'habiller comme je veux. La liberté de choisir, ça aussi ça compte. Tu n'es pas d'accord ? Bonjour, je m'appelle Bruno. Je voudrais dire moi aussi... Attends Bruno, je leur réponds d'abord. Vous exagérez. Les marques, c'est très bien pour se sentir jolie. Et en plus, on se fait respecter. Et oui, c'est cher, mais à mon avis, c'est normal. La qualité, ça se paie. Moi, personnellement, je trouve ça grave. Si on te respecte pour ça, eh ben... Oui, en plus, quand on sait que c'est souvent des enfants hyper exploités qui les fabriquent, tes vêtements de marque, c'est un peu la honte, non ? Tu veux me faire croire qu'on ne fait que les vêtements de marque dans ces ateliers, pas les autres ? J'en doute. C'est vrai, ça. Alors moi, finalement, je vous dis, pourquoi pas les marques ? C'est pas diabolique. Les chaussures de marque, des bonnes baskets, par exemple, ça vaut la peine. Mais de toute façon, je n'achète pas que ça. Je ne veux pas ressembler à tout le monde. Il y a une dame qui veut intervenir. Madame, on vous écoute.